un AP, un biwak. À l'intérieur, nous on souffre plus qu'il n'y croit. Mais à la fois le dîne, l'espoir, cousin, on y croit. Plus qu'un détail, nos proches et nos familles, on les aime. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre sinon être sur scène? On s'appelle pas NAP, cousin prononce NAP. C'est la culture des anciens, des cités. Vol à la tire, vol à l'arrache. Fallait qu'on divorce, la rue elle te fait cocu. Seul l'islam est une force, mais ne nous juge pas. Qui n'a pas commis de mistake? Et la vie est faite d'erreurs, on est toujours en quête. Vol au-delà de nos propos, notre existence un étau. Regarde au fond de ton âme, demande-toi où ton héros. On aime tout le genre humain. On love l'islam, toi wahid. Qu'importe son rang, sa race, son sexe, pouvoir mourir shahid. Au fond de nous, le rap dès qu'il est devenu notre écho. Au final, peut-être, j'espère qu'on tuera notre ego. Words 1-1 NAP B-Wax. Je répète, hein, on n'arrête pas de répéter toujours la même chose. Un peu cet album là à l'intérieur de nous, c'est reflète ce qu'on est. Et ce qu'on fait, on essaie de décrire un peu notre vécu, nos frustrations.